C'était pas cher, c'était pas cher, c'était ma bague de fiançailles pour un amour sincère, pour un amour sincère. Un jour l'on marchait le long de la mer, un jour où il faisait beau dans tes yeux clairs. Un jour j'étais heureux pour la première fois, un jour t'as mis ma bague au doigt. Un jour l'on chantait au bord de la mer, un jour où il faisait beau dans tes yeux clairs. Un jour où j'étais heureux pour la première fois, un jour t'as mis ma bague au doigt. C'était ma bague de fiançailles, pas de diamants, pas de rubis. C'était ma bague de fiançailles, mais c'était pour toujours, mais c'était pour la vie. Un jour l'on marchait le long de la mer, un jour où il faisait beau dans tes yeux clairs. Un jour où j'étais heureux pour la première fois, un jour t'as mis ma bague au doigt. Un jour l'on chantait au bord de la mer, un jour où il faisait beau dans tes yeux clairs. Un jour où j'étais heureux pour la première fois, un jour t'as mis